qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui font toujours des enfants juste pour être assistés sans s'occuper des éduqués? Je sais que c'est difficile pour eux, mais il serait temps qu'ils ouvrent les yeux. Car ce n'est pas de cette manière qu'il faut sortir de la misère. J'en ai marre de tout ça, de tous ceux qui font n'importe quoi. Et même rien que d'en parler, ça donne envie d'y herber. Moi j'en ai marre de tout ça, de tous ceux qui font n'importe quoi. Et même rien que d'en parler, ça donne envie d'y herber. Ça m'énerve qu'ils viennent pleurer. Leurs enfants sont illettrés, alors que c'est que de leur faute s'ils ne sont pas comme les autres. Je me demande ce qu'ils espèrent en vivant de cette manière, alors qu'il y a bien d'autres moyens pour changer son destin. Moi j'en ai marre de tout ça, de tous ceux qui font n'importe quoi. Et même rien que d'en parler, ça donne envie de gerber. Ce qui m'écœure, c'est que c'est à moi de raconter tout ça. Alors ce serait les hauts placés qui devraient tout faire changer. Moi j'en ai marre de tout ça, de ceux qui font n'importe quoi. Et même rien que d'en parler, ça donne envie de gerber. Ce qui m'écœure, c'est que c'est à moi de raconter tout ça. Alors ce serait les hauts placés qui devraient tout faire changer. Moi j'en ai marre de tout ça, de tous ceux qui font n'importe quoi. Et même rien.